Chapitre 13e. 11h10, et monsieur ne monte pas, et madame n'est pas sortie de sa chambre, et mademoiselle n'est pas ici. Les œufs seront trop durs, ils seront trop durs, certainement. C'était Catherine qui, dans la salle à manger, attendait devant le couvert mis. Elle avait frappé à la porte de Geneviève, André était averti. Monsieur Ribert montait d'habitude à l'heure sonnante, exacte comme un chronomètre. Pourquoi n'était-on pas là ce matin et qu'attendait-on pour déjeuner? Évidemment, la maison était triste. Catherine avait trouvé à Mademoiselle André les yeux très rouges. Elle avait pleuré, c'était bien visible. Et madame, qui s'enfermait de son côté, tandis que dès l'aube, Catherine l'avait bien entendu, monsieur était descendu à son bureau, d'où il ne remontait plus. Il y avait quelque chose. Jamais on ne ferait croire à Catherine qu'il n'y avait pas quelque chose. Quoi? Ah, par exemple, quoi? Rien de gai, pour sûr. Et la cuisinière hochait la tête, ne voyant dans le malheur présent que ce désastre nouveau, les œufs qui tout à l'heure seraient trop durs. Elle les cassait, les fendillait, poussait des soupirs et regardait la pendule. Personne ne venait. Est-ce qu'on ne déjeunerait pas aujourd'hui? Sur la nappe blanche, les cerises luisaient et les fraises s'entassaient dans le compotier. Catherine les avait choisies avec tant de soin. On ne les goûterait donc pas. Désolée, elle tressauta tout à coup sur elle-même, en entendant coup sur coup, à la porte extérieure, deux fois sonner le timbre rapidement. Enfin, c'était monsieur. Et pourtant monsieur ne sonnait pas d'habitude. Il avait dû oublier ses clés. Voilà pourquoi il ne mentait pas. Il les cherchait. Catherine courut à la porte. Elle avait déjà sur les lèvres le reproche de la cuisinière habituée à voir son franc-parler au logis. « Ah, monsieur, à quoi pensez-vous? Les œufs, ils seront durs, les œufs !» Mais lorsqu'elle ouvrit, son refrain lui resta sur les lèvres. Ce n'était pas monsieur, c'était Maître Auboin. Maître Auboin, rouge, essoufflé, avec l'air d'un événement, songeait Catherine, et qui, souriant, tout son visage épanoui comme une pivoine, entra dans la salle à manger en criant à la table vide. « C'est moi, mes amis !» Et cet ouragan d'Auboin s'arrêta tout à coup en ne voyant que des assiettes régulièrement posées, des chaises à leur place, et sur la nappe, dans des coquetiers, des œufs intacts que Catherine, d'un geste maternel, lui montrait sans dire un mot avec une commisération profonde. « Eh bien, où sont-ils, vos maîtres? Est-ce qu'ils sont morts ?» Il riait, le notaire, mais la plaisanterie sembla lugubre à Catherine, qui répondit « Dieu merci, non, mais... sont-ils malades? Où sont-ils ? Est-ce qu'ils dorment? Qu'on les réveille ?» Et Maître Auboin frappait du pied gaiement, emplissant de sa belle humeur la salle à manger vide. « Voyons, Catherine, amenez-les-moi, mort ou vif. Ce que j'ai à leur dire va les remettre sur pied. Ils héritent. »« Ah, mon Dieu !» fit Catherine, toute suffoquée. Elle joignit les mains et voulait courir. Elle n'avait plus de jambes, coupée net. La porte qui donnait sur le salon s'ouvrait justement et André entrait. En apercevant la jeune fille, le notaire lui tendit les deux mains joyeusement. « Ah, mademoiselle, que je suis content, que je suis content !» Il tira de la poche de son veston un papier plié dans une enveloppe gommée non cachetée. « C'est le testament !»« Chaugnard, cette petite fouine de Chaugnard, l'a trouvée à l'instant même !» Il était dans un tas de papiers non inventoriés, le testament, vous héritez ?« Mon père, ah mon pauvre père !» s'écria André, dont les beaux yeux s'emplirent tout à coup de larmes. Elle ne songeait qu'à lui dans ce grand bonheur inespéré qui faisait flamber de joie la figure de Maître Auboin. S'arrachait toute la vie de Ducrès, et le notaire, regardant encore en riant toujours la vieille Catherine devenue muette et qui ne bougeait pas, « Eh bien, faut-il les aller chercher, vos maîtres ?» Catherine était déjà hors de la salle à manger, traversant le salon et frappant à la porte de Geneviève, retrouvant la voix et criant follement. « C'est l'héritage, madame, on l'apporte, l'héritage est là !» André, perdant un peu la tête aussi, malgré sa raison calme, avait eu la tentation d'ouvrir la fenêtre et d'appeler dans la cour son père. Elle aima mieux descendre, voulant être la première à sauter au cou du pauvre homme et lui dire, joyeuse, que maintenant il n'avait plus à se tuer pour elle. Ah, quel réveil après, quelle soirée! Geneviève avait ouvert sa porte. Elle avait passé sa matinée dans la solitude de sa chambre, n'osant plus se retrouver peut-être en face de cet homme qu'elle avait humilié hier, presque outragé, et en éprouvant comme une honte. Les cris de Catherine avaient semblé l'appeler du fond d'un rêve triste. Brusquement, on l'arrachait à elle-même. « Qu'a-t-il donc ? » demanda-t-elle, blême, tremblant un peu, tandis que la vieille servante répétait encore. « L'héritage, madame, l'héritage. Est-ce que c'est possible ?»« Tout ce qu'il y a de plus possible, madame. Le voici, le testament. » « Et ce brave garçon au dos-boin, comme un soldat brandirait un fanion conquis sur l'ennemi, agitait le papier au-dessus de sa tête et le faisait claquer dans le vent au-dessus de ses doigts. « Le testament ? L'oncle Ducret ?» balbutia Geneviève, dont la pâleur maintenant se changeait en une jolie teinte rosée. « Testament, holographe, de Sylvain Ducret, oui, madame. Il remonte au 12 mars 1880, un peu plus d'un an de date. Et vous voilà riche. Ah, ma parole, cela me fait autant de plaisir que pour moi-même. » Auboin se retourna, entendant du bruit, et il aperçut Ribert au bras de sa fille. Victor avait l'air stupéfié d'un condamné écoutant sa sentence. « Ah, dit le notaire, mais vous êtes tous verts comme des noyés. C'est le testament, mon cher Ribert, le testament, signé, paraffé, vous héritez. » Ribert avait tendu sa main à Geneviève qui, d'un élan où il y avait de la joie et du repentir, s'était jeté vers lui et là, debout, serrant contre sa poitrine ces deux créatures qui étaient toute sa vie, sa fille et cette adorée Geneviève. Il regardait Auboin qui, rayonnant, tenait entre ses mains ce papier qui apportait une fortune, le parcourait des yeux encore et disait « Voilà, le testateur lègue à messieurs Victor et Louis Ribert. « Louis aussi, » dit Victor, dont le visage, hier attristé, ressemblait maintenant au portrait qui souriait là dans son cadre d'or. « Ah, je suis bien content, ce bon Louis. »« Il lègue ?» demanda Geneviève, qui respira à peine, folle de joie, haletante, ayant peur que tout cela ne fût un mensonge. « Mais il lègue à peu près toute sa fortune à ses deux neveux, oui, sauf des legs à des serviteurs, la demoiselle Mélie Brunet, le cocher, d'autres petites choses encore. Tout vous revient. »« Tout ?» dit Geneviève. « Tout. »« Mais c'est énorme, mais... » « C'est certainement plus de 3 millions pour chaque héritier, madame. »« 3 millions. » Il semblait à Ribert qu'un vent de vertige lui soufflait aux tempes. 3 millions à lui. 3 millions à ce pauvre homme qui avait devant les yeux le spectre d'une échéance de 80 000 francs et qui n'osait pas, ne savait pas, ne pouvait pas le chasser, cet affreux fantôme. 3 millions. Ses oreilles bourdonnaient. Il lui montait aux lèvres des rires nerveux comme des spasmes. Ses veines lui battaient, il avait peur de devenir fou. « Je n'ai pas voulu tarder d'un instant à vous dire ça, » fit Maître Auboin. « Ah, j'ai couru, je suis bien heureux. » Ribert balbutiait des remerciements, cherchait ses phrases et ne trouvait que des « Merci, merci, mon cher Auboin. » Il répétait à ses chéris « Ah, Geneviève, ma fille, ma pauvre André. » « Tu ne souffriras plus, père, » lui disait tout bas André de sa voix douce. Et elle prenait dans sa main la main de Geneviève. « Ni toi, ni maman. » Dans un coin, la vieille Catherine, suffoquée, pleurait et disait « Enfin, pour une fois, l'argent va donc aux honnêtes gens. »« Je vous laisse, » fit brusquement Maître Auboin. « Je vais rue Torlac, à Montmartre. »« C'est vrai, » dit Victor, « ce pauvre Louis. » Le notaire y est encore. « Pauvre, pauvre, plaignez-le, le voilà millionnaire. » Et Raymonde demanda André. « Elle n'a rien. »« Plaignez-la aussi, celle-là, » fit le notaire. « Elle n'a pas un centime de Sylvain Ducret, mais monsieur son père possède à vue de nez 17 ou 18 millions. Elle peut vivoter, mademoiselle Raymonde. » Il allait s'éloigner lorsque Geneviève le retint, quittant Ribert pour tendre la main à Maître Auboin. « Encore un instant. Que je vous remercie aussi, moi, » dit-elle. Elle avait une nerveuse envie de pleurer, un besoin de pardon et d'oubli. « Moi, madame, je ne suis dans tout cela que le porteur de la nouvelle, » dit le notaire. « Ah, ça, rendez-vous à mon étude ce soir à 5 heures, tous les héritiers convoqués. Il n'y en a pas tant, Dieu merci. Au revoir. » Il partit comme il était venu, dans une bourrasque de belle humeur, et maintenant Geneviève, revenant à Victor, lui disait d'un ton de caresse suppliante « Pardonne-moi, je souffrais tant. Ah, que je suis heureuse, bien heureuse, d'un bonheur d'enfant. » Mais mes injustices, mes cruautés, tu me les pardonnes, n'est-ce pas, Victor ? Je t'aime, lui dit-il avec une effusion où il y avait le dévouement, l'affection d'une existence entière. Alors, tout à coup, dans ce logis où, comme le soleil de mai, par la fenêtre ouverte, la fortune entrait par poignées, par rayon, par flot d'or. Une voix retentit tout à coup, effarée, désespérée, pareille à un suprême appel dans une tempête. « Ah, mon Dieu ! Et les œufs, monsieur ! Ils ne seront plus mangeables ! Des cailloux, maintenant, des cailloux !» C'était Catherine qui songeait brusquement à ces œufs qui refroidissaient, là-bas, dans les coquetiers. Elle les avait un peu oubliés, la brave fille, un moment inondée, elle aussi, sous cette pluie de millions. Et l'on se mit à table. Ah, quelle joie ! Quels appétits, quels rêves ! André regardait son père. Lui, si pâle, il avait des couleurs maintenant, ses yeux souriaient. L'affaissement morne de toute cette physionomie harassée avait disparu. Il riait. Il y avait si longtemps qu'il n'avait ri. Il trouvait excellent les œufs durs, excellent le beefsteak froid, tout excellent. Était-ce possible ? 3 millions ? Non, ce n'était pas vrai, ce n'était pas croyable. Millionnaire, lui, millionnaire. En un matin, par hasard, par le caprice d'un mourant, il ramassait, comme dans la rue, 1000, 10 000 fois plus d'argent qu'avec toute une existence d'efforts âpres, en travaillant nuit et jour, il n'aurait pu avoir en toute sa vie. « Ma parole, c'est immoral, » disait-il, la gaieté dans le regard et dans la voix. Il n'y avait pas 3 quarts d'heure que Maître Auboin était parti, et Louis Ribert tombait rue de Châteaudun comme une bombe, avec Miss Maud qui accourait, toute joyeuse, et contre laquelle il venait de se heurter dans l'escalier. Il était congestionné, rouge comme les cerises du compotier, épouffé de rire. Il embrassa André, Geneviève, il eut presque embrassé Miss Barker, et avec de grands éclats de gaieté, il se moquait de l'aventure, il trouvait ça extraordinaire, étonnant, absolument fou, mais bien drôle. 3 millions. Et qu'est-ce qu'il veut que j'en fasse, le vieux Ducret ? Que je m'achète des palettes en or, des tubes en or, des chevalets enrichis de diamants, c'est impossible. Ah non, par exemple, c'est une farce. Il se tournait vers Miss Barker. Voyons, voulez-vous un jeu de jaquet comme personne n'en a, avec des pions aussi précieux que des médailles de Syracuse, si ça vous plaît ? Tout ce que vous voudrez, Miss Maud, même un petit hôtel, avec des meubles en bois de rose. Vous me trouvez inconvenant, Miss Maud. Je le sais, c'est vrai. Mais à partir d'aujourd'hui, j'en ai le droit. Parfaitement, je suis millionnaire. Il eut, au milieu de sa gaieté, un accès de bouffonnerie mélancolique. Malheureusement, cette facétie vient trop tard. 18 ans plus tôt, quand j'avais 20 ans, j'aurais gaspillé, semé partout mes millions. Ah, mes enfants, il aurait fallu voir ça. Et maintenant, tout l'héritage croqué, je ferais philosophiquement de la bonne peinture. Ça aurait servi à quelque chose, du moins. Et maintenant ? Fit Geneviève gaiement. Oh, maintenant, l'argent. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? Je n'ai plus de goût à m'amuser, et quand je me couche à 2 heures du matin, le lendemain, j'ai la migraine. À quoi diable vais-je dépenser ça ? Tiens, suis-je bête ? Je fonderai un hôpital pour les impressionnistes. Grand fou, dit Victor en lui posant la main sur l'épaule. Il faut que je descende. À 5 heures, chez Maître Auboin, ce soir, n'oublie pas. Si tu crois que je vais oublier. À partir d'aujourd'hui, j'incarnais comme Guillemard. À telle heure, comptez mes millions. 1, 2, 3. À telle autre, les recomptez. Oh, ce sera amusant, amusant. J'en baille déjà. Les veux-tu, mes millions, André ? Débarrassez-moi. Miss Maud, if you please. Ribert haussa les épaules et descendit à son bureau. Il trouva Olivier Giraud qui savait tout déjà. Le négociant lui tendit la main, la serrant comme celle d'un second après un duel où l'on a risqué sa vie. Et quel duel avec le sort depuis des mois sinistres. « Je suis bien heureux, mon cher enfant, bien heureux pour nous, bien heureux pour vous. »« Pour moi ?» dit Olivier. « Eh, parbleu, mon pauvre Olivier !» fit Ribert avec un élan de reconnaissance et d'amitié. « Est-ce que vous avez ici une position digne de vous ?»« Non, certes, non. » Il est temps que je répare cela. Réparé. Merci, monsieur Ribert. Le jeune homme dit fermement, regardant Victor avec des yeux dévoués. Ma position ici m'a toujours satisfait, je vous assure, et j'aime à le déclarer bien haut. Il s'arrêta un moment, faisant un effort sur lui-même. Le jour où je vous prie d'en disposer. D'en disposer ? Ribert ne comprit pas. Comment, à l'heure où les épreuves étaient finies, quand la destinée s'amendait, lorsqu'on pouvait être heureux, enfin heureux ? « Qu'est-ce que vous me dites là, voyons, Olivier ? Vous ne quitteriez ?»« J'ai réfléchi. Je me suis décidé à accepter les offres de M. Guillemard. Vous aviez refusé hier. La nuit porte conseil, » dit Olivier avec un accent qu'il voulait rendre ironique et qui était mélancolique, simplement. Mais voyons, Olivier, vos idées. Oui, je disais que le genre d'affaires de M. Guillemard ne me convenait pas. C'était niais. Il n'y a pas de genre d'affaires. Il y a les affaires, voilà tout. Oh, on ne doutera pas de moi, soyez tranquille. Je vous jure qu'on ne dira jamais que je vais m'enrichir d'une façon adroite, ni là, ni ailleurs. Vous réfléchirez encore, dit Victor Hibert. Nous en causerons demain.